Chapitre 106e, le coup de lance. Quelques secondes après, le valet de chambre annonça M. le comte de Charny, et celui-ci parut dans l'encadrement de la porte, éclairé par le reflet d'or d'un rayon du soleil couchant. Lui aussi, comme la reine, venait d'employer le temps qui s'était écoulé depuis sa rentrée au château à faire disparaître les traces de ce long voyage et de la lutte terrible qu'il avait soutenue en arrivant. Il avait revêtu son ancien uniforme, c'est-à-dire le costume de capitaine de frégate avec les revers rouges et le jabot de dentelle. C'était ce même costume qu'il portait le jour où il avait rencontré la reine et André de Tavernet sur la place du Palais Royal, et où, les ayant conduites à un fiacre, il les avait ramenées jusqu'à Versailles. Jamais il n'avait été si élégant, si calme, si beau, et la reine eut peine à croire en l'apercevant que ce fut le même homme qui, une heure auparavant, avait failli être mis en morceaux par le peuple. « Oh, monsieur !» s'écria la reine. « On a dû vous dire combien j'étais inquiète de vous, et comme j'ai envoyé de tous les côtés demander de vos nouvelles. »« Oui, madame, » dit Charny en s'inclinant. « Vous croyez bien que je ne suis rentré chez moi qu'après m'être assuré auprès de vos femmes que vous aussi étiez saine et sauve. On prétend que vous devez la vie à M. Pession et à M. Barnave. Est-ce vrai? Et aurais-je encore à ce dernier cette nouvelle obligation? C'est vrai, madame. Et j'ai même une double reconnaissance à M. Barnave, car n'ayant pas voulu me quitter que je ne fusse dans ma chambre, il a eu la bonté de me dire que vous étiez occupé de moi pendant la route. De vous, comte. Et de quelle façon? Mais en exposant au roi les inquiétudes que vous avez bien voulu penser que votre ancien ami éprouvait de mon absence. Je suis loin de croire, comme vous, madame, à la vivacité de ses inquiétudes. Cependant, il s'arrêta, car il semblait que la reine, déjà si pâle, pâlissait encore. « Cependant, » répéta la reine. « Cependant, » reprit Charny, sans accepter, dans toute son étendue, le congé que votre majesté avait l'intention de m'offrir, « je crois qu'en effet, rassuré comme je le suis maintenant sur la vie du roi, sur la vôtre, madame, et sur celle de vos augustes enfants, il est convenable que je donne en personne de mes nouvelles à madame la comtesse de Charny. » La reine appuya sa main gauche contre son cœur, comme si elle eût voulu s'assurer que ce cœur n'était pas mort du coup qu'il venait de recevoir, et d'une voix presque étranglée par la sécheresse de sa gorge. « Mais c'est trop juste, en effet, monsieur, » dit-elle. « Seulement, je me demande comment vous avez attendu si longtemps pour remplir ce devoir. » La reine oublie que je lui avais engagé ma parole de ne pas revoir la comtesse sans sa permission. Et cette permission, vous venez me la demander? Oui, madame, dit Charny, et je supplie votre majesté de me l'accorder. Sans quoi, dans l'ardeur où vous êtes de revoir madame de Charny, vous vous en passeriez, n'est-ce pas? Je crois que la reine est injuste à mon égard, dit Charny. Au moment où j'ai quitté Paris, j'ai cru le quitter pour longtemps, sinon pour toujours. Pendant tout ce voyage, j'ai humainement fait tout ce qu'il était en mon pouvoir de faire pour que le voyage réussît. Ce n'est point ma faute, que votre majesté s'en souvienne, si je n'ai pas, comme mon frère, laissé ma vie à Varennes, ou comme M. de Dampierre, été mis en morceaux sur la route ou dans le jardin des Tuileries. Si j'avais eu la joie de conduire votre majesté au-delà de la frontière, ou l'honneur de mourir pour elle, je m'exilais, ou je mourrais sans revoir la comtesse. Mais je le répète à votre majesté, de retour à Paris, je ne puis donner à sa femme qui porte mon nom, et vous savez comment elle le porte, madame, cette marque d'indifférence, de ne pas lui donner de mes nouvelles, surtout mon frère Isidore n'étant plus là pour me remplacer. Au reste, où M. Barnave s'est trompé, où c'était avant-hier encore l'avis de votre majesté. » La reine laissa glisser son bras sur le dossier de sa chaise longue, et suivant avec tout le haut de son corps ce mouvement qui la rapprochait de Charny. « Vous aimez donc bien cette femme, monsieur, » dit-elle, « que vous me fassiez froidement une pareille douleur. »« Madame, » dit Charny, « il y a 6 ans bientôt que vous-même, au moment où je n'y songeais pas, parce qu'il n'existait pour moi qu'une femme sur la terre et que cette femme, Dieu l'avait placée tellement au-dessus de moi que je ne pouvais l'atteindre, il y a 6 ans que vous m'avez donné pour mari à Mademoiselle André de Tavernet et que vous me l'avez imposée pour femme. Depuis ces 6 ans, ma main n'a pas touché 2 fois la sienne. Je ne lui ai pas sans nécessité adressé 10 fois la parole, et 10 fois nos regards ne se sont pas rencontrés. Ma vie à moi a été occupée, remplie d'un autre amour, occupée de ces 1000 soins, de ces 1000 travaux, de ces 1000 combats qui agitent l'existence de l'homme. J'ai vécu à la cour, arpenté les grands chemins, noué pour ma part, avec le fil que le roi avait bien voulu me confier, l'intrigue gigantesque que vient de dénouer la fatalité. Or, je n'ai pas compté les jours, je n'ai pas compté les mois, je n'ai pas compté les années. Le temps a passé d'autant plus rapide que j'étais plus occupé de toutes ces affections, de tous ces soins, de toutes ces intrigues que je viens de dire. Mais il n'en a pas été ainsi de la comtesse de Charny, madame. Depuis qu'il a eu la douleur de vous quitter, après avoir eu sans doute le malheur de vous déplaire, elle vit seule, isolée, perdue, dans ce pavillon de la rue Coqueron. Cette solitude, cet isolement, cet abandon, elle les a acceptés sans se plaindre. Car, cœur exempt d'amour, elle n'a pas besoin des mêmes affections que les autres femmes. Mais ce qu'elle n'accepterait peut-être pas sans se plaindre, ce serait mon oubli à son égard des devoirs les plus simples, des convenances les plus vulgaires. Eh mon Dieu, monsieur, vous voilà bien préoccupé de ce que Madame de Charny pensera ou ne pensera pas de vous, selon qu'elle vous verra ou ne vous verra pas. Avant de prendre tout ce souci, il serait bon de savoir si elle a songé à vous au moment de votre départ ou si elle y songe à l'heure de votre retour. À l'heure de mon retour, j'ignore si la comtesse songe à moi, madame, mais au moment de mon départ, elle y a songé, j'en suis sûr. Vous l'avez donc vue au moment de votre départ? J'ai eu l'honneur de dire à votre majesté que je n'avais pas vu madame de Charny depuis que j'ai donné à la reine ma parole de ne pas la voir. Alors elle vous a écrit. Charny garda le silence. Voyons, s'écria Marie-Antoinette, elle vous a écrit, avouez-le. Elle a remis à mon frère Isidore une lettre pour moi. Et vous avez lu cette lettre? Que vous disait-elle? Que pouvait-elle vous écrire? Ah, elle m'avait pourtant juré. Voyons, répondez vite. Eh bien, dans cette lettre, elle vous disait. Parlez donc, vous voyez que je boue. Je ne puis répéter à votre majesté ce que la comtesse me disait dans cette lettre, je ne l'ai pas lue. Vous l'avez déchirée? S'écria la reine joyeuse. Vous l'avez jetée au feu sans la lire? Charny, Charny, si vous avez fait cela, vous êtes le plus loyal des hommes, j'avais tort de me plaindre, et je n'ai rien perdu. Et la reine tendit ses deux bras à Charny comme pour l'appeler à elle. Mais Charny demeura à sa place. Je ne l'ai point déchirée. Je ne l'ai point jetée au feu. Mais alors, dit la reine en retombant sur sa chaise, comment ne l'avez-vous pas lue? La lettre ne devait m'être remise par mon frère que dans le cas où je serais blessé à mort. Hélas, ce n'était pas moi qui devais mourir, c'était lui. Lui mort, on m'a apporté ses papiers. Dans ses papiers était la lettre de la comtesse, et cette note que voici. Tenez, madame. Et Charny présenta à la reine le billet écrit de la main d'Isidore et qui était annexé à la lettre. Marie-Antoinette prit ce billet d'une main tremblante et sonna. Pendant cette scène que nous venons de raconter, la nuit était venue. De la lumière, dit-elle, à l'instant. Le valet de chambre sortit. Il se fit une minute de silence où l'on entendit d'autres bruits que la respiration haletante de la reine et le battement précipité de son cœur. Le valet de chambre rentra avec deux candélabres qu'il déposa sur la cheminée. La reine ne lui donna pas même le temps de se retirer, et tandis qu'il s'éloignait et refermait la porte, elle s'approcha de la cheminée le billet à la main. Mais deux fois, elle jeta les yeux sur le papier sans rien voir. « Oh » murmura-t-elle, « ce n'est point du papier, c'est de la flamme. » Et passant sa main sur ses yeux comme pour leur rendre cette faculté de voir qu'il semblait avoir perdu. « mon Dieu !» dit-elle en frappant du pied avec impatience. Enfin, à force de volonté, sa main cessa de trembler et ses yeux commencèrent à voir. Elle lut, d'une voix rauque et qui n'avait rien de commun avec sa voix habituelle. « Cette lettre est adressée non point à moi, mais à mon frère le comte Olivier de Charny. Elle est écrite par sa femme, la comtesse de Charny. » La reine s'arrêta quelques secondes, puis reprit. « S'il m'arrivait malheur, celui qui trouverait ce papier priait de le faire passer au comte Olivier de Charny ou de le renvoyer à la comtesse. » La reine s'arrêta une seconde fois, secoua la tête et continua. « Je le tiens de celle-ci avec la recommandation suivante. « Ah, voyons la recommandation, » murmura la reine. Et il passa de nouveau la main sur ses yeux. « Si dans l'entreprise qu'il poursuit, le comte réussissait sans accident, rendre la lettre à la comtesse. » La voix de la reine devenait de plus en plus haletante au fur et à mesure qu'elle lisait. Elle poursuivit. S'il était blessé grièvement, mais sans danger de mort, le priait d'accorder à sa femme la grâce de le rejoindre. « Oh, c'est clair cela, » balbutia la reine. Puis d'une voix presque inintelligible, « Enfin, s'il est blessé à mort, lui donner cette lettre, et s'il ne peut la lire lui-même, la lui lire, afin, avant que d'expirer, il connaisse le secret qu'elle contient. » « Eh bien, le nierez-vous maintenant ?» s'écrie Marie-Antoinette en couvrant le comte d'un regard enflammé. « Quoi ? Eh mon Dieu, qu'elle vous aime !»« Qui, moi, la comtesse même ? Que dites-vous là, madame ?» s'écrie à son tour Charny. « Oh, malheureuse que je suis, je dis la vérité. »« La comtesse même, moi ? Impossible !»« Et pourquoi ? Je vous aime bien, moi. » »« Mais, depuis 6 ans, si la comtesse m'aimait, la comtesse me l'eût dit, la comtesse me l'eût laissé apercevoir. » Le moment était venu pour la pauvre Marie-Antoinette, où elle souffrait tant qu'elle sentait le besoin de s'enfoncer comme un poignard la souffrance au plus profond du cœur. « Non, s'écria-t-elle, non, elle ne vous a rien laissé apercevoir, non, elle ne vous a rien dit. Mais si elle ne vous a rien dit, si elle ne vous a rien laissé apercevoir, c'est qu'elle sait bien qu'elle ne peut être votre femme. » « La comtesse de Charny ne peut être ma femme ?» répéta Olivier. « C'est, continua la reine, s'enivrant de plus en plus de sa propre douleur, c'est qu'elle sait bien qu'il y a entre nous un secret qui tuerait votre amour. »« Un secret qui tuerait notre amour ? C'est qu'elle sait bien que du moment où elle parlerait, vous la mépriseriez. »« Moi, mépriser la comtesse ? À moins qu'on ne méprise pas la jeune femme sans époux, mère sans mari. » Ce fut au tour de Charny de devenir pâle comme la mort, et de chercher un appui sur le fauteuil le plus proche de sa main. « Oh, madame, madame » s'écria-t-il, « vous en avez dit trop ou trop peu, et j'ai le droit de vous demander une explication. »« Une explication, monsieur, à moi, à la reine, une explication. »« Oui, madame, » dit Charny, « et je vous la demande. » En ce moment, la porte s'ouvrit. « Que me veut-on ? » s'écria la reine, impatiente. « Votre majesté, » répondit le valet de chambre, « avait dit autrefois qu'elle y était toujours pour le docteur Gilbert. » « Eh bien, le docteur Gilbert réclame l'honneur de présenter ses humbles respects à votre majesté. »« Le docteur Gilbert, » dit la reine, « êtes-vous bien sûr que ce soit le docteur Gilbert ?»« Oui, madame. »« Oh, qu'il entre alors !» dit la reine, puis se retournant vers Charny. « Vous voulez une explication au sujet de madame de Charny ?» dit-elle en élevant la voix. « Tenez, cette explication, demandez-la à monsieur le docteur Gilbert. Mieux que personne, il est à même de vous la donner. » Gilbert était entré pendant ce temps. Il avait entendu les paroles que venait de prononcer Marie-Antoinette, et il était resté debout et immobile sur le seuil de la porte. Quant à la reine, rejetant à Charny le billet de son frère, elle fit quelques pas pour gagner son cabinet de toilette, mais, plus rapide qu'elle, le comte lui barra le passage et la saisissant par le poignet. « Pardon, madame, » dit-il, « mais cette explication, c'est devant vous qu'elle doit avoir lieu. »« Monsieur !» dit Marie-Antoinette, l'œil fiévreux et les dents serrées. « Vous oubliez, je crois, que je suis la reine. Vous êtes une amie ingrate qui calomnie son ami. Vous êtes une femme jalouse qui insulte une autre femme, la femme d'un homme qui, depuis 3 jours, a risqué 20 fois sa vie pour vous. La femme du comte de Charny, ce sera devant vous qu'il avait calomnié, qu'il avait insulté, que justice lui sera rendue. Asseyez-vous donc là, et attendez. » « Eh bien, soit, » dit la reine, « monsieur Gilbert, » continua-t-elle en essayant un rire mal réussi. « Voyez ce que désire monsieur. »« Monsieur Gilbert, » dit Charny, d'un ton plein de courtoisie et de dignité, « vous entendez ce qu'ordonne la reine ?» Gilbert s'avança et regarda tristement Marie-Antoinette. « Oh, madame, madame, » murmura-t-il, puis se tournant vers Charny. « Monsieur le comte, ce que j'ai à vous dire est la honte d'un homme et la gloire d'une femme. Un malheureux, un paysan, un ver de terre, aimait mademoiselle de Tavernay. Un jour, il la trouva évanouie, et sans respect pour sa jeunesse, pour sa beauté, pour son innocence, le misérable la viola. Et c'est ainsi que la jeune fille fut femme sans époux et mère sans mari. Mademoiselle de Tavernay est un ange. Madame de Charny est une martyre. Charny essuya la sueur qui coulait sur son front. « Merci, monsieur Gilbert, » dit-il, puis s'adressant à la reine. « Madame, j'ignorais que mademoiselle de Tavernay eût été si malheureuse. J'ignorais que madame de Charny fût si respectable. Sans quoi, je vous prie de le croire, je n'eusse pas été 6 ans sans tomber à ses genoux et sans l'adorer comme elle mérite d'être adorée. » Et s'inclinant devant la reine stupéfaite, il sortit sans que la malheureuse femme osât faire un mouvement pour le retenir. Seulement il entendit le cri de douleur qu'elle jeta en voyant la porte se refermer entre elle et lui. C'est qu'elle comprenait que sur cette porte, comme sur celle de l'enfer, la main du démon de la jalousie, lascia te ogni speranza. Vous qui entrez, abandonnez toute espérance.